chalet. Elle sent badigeon léger, puis surprise tout à coup, contemple dans le miroir l'étrangeté de la scène. Virginie a des problèmes, elle ne sait pas ce qui l'entraîne. Virginie a un diamant placé entre les dents, et quand elle y passe la langue, elle sent que c'est froid dedans. Et quand sur la banquette arrière, la coke vole en l'air, elle regarde d'un air absent, en murmurant. Virginie y a des problèmes, elle ne sait pas ce qui l'entraîne. Virginie, dont les cheveux prennent soudain dans les pneus, ne peut s'empêcher de crier. Mais dès que tu passes le sang, la plinthe s'allume de voyant, des rouges et puis des verts dans l'air. Et à plus de 200, c'est la voiture qui est en sang. Le capot devient rouge et en sortent soudainement les phares qui découvrent deux grandes orbites blanches. Virginie y a des problèmes, elle ne sait pas ce qui l'entraîne. Virginie y a des problèmes, elle ne sait pas ce qui l'entraîne. Virginie y a des problèmes, elle ne sait pas ce qui l'entraîne.